Chapitre 5 Les tickets d'or. Tu veux dire que le public aura accès à la chocolaterie ? Cria grand-papa Joe. Lis-nous cet article, vite ! Bien, dit Monsieur Bucket, en passant la main sur le journal. Écoutez. Journal du soir. Monsieur Willy Wonka, le confiseur de génie que personne n'a vu pendant les 10 dernières années, fait connaître l'avis suivant. Je sous-signais Monsieur Willy Wonka et décidé de permettre à 5 enfants, 5 et pas plus, retenez-le bien, de visiter ma chocolaterie cette année. Ces 5 élus feront le tour de l'établissement piloté par moi-même et seront initiés à tous ses secrets, à toute sa magie. Puis, en fin de tournée, tous auront droit à un cadeau spécial. Il leur sera fait don d'une quantité de chocolat et de bonbons qui devra suffire jusqu'à la fin de leur jour. Enfants, cherchez bien vos tickets d'or. Ces 5 tickets ont été imprimés sur papier d'or et ces 5 tickets d'or sont cachés dans le papier d'emballage ordinaire de 5 bâtons ordinaires de chocolat. Ces 5 bâtons seront trouvables n'importe où, dans n'importe quelle boutique, de n'importe quelle rue, dans n'importe quelle ville, de n'importe quel pays du monde. Partout où seront vendues les confiseries Wonka. Et les 5 euros gagnants de ces 5 tickets d'or seront les seuls à pouvoir visiter ma chocolaterie. Eux seuls verront comment elle se présente maintenant à l'intérieur. Bonne chance à tous et bon courage. Signé Willy Wonka. Il est fou ! Grommela grand-maman Joséphine. C'est un génie ! S'écria grand-papa Joe. C'est un magicien ! Pensez à tout ce qui va arriver maintenant. Le monde entier fera la chasse aux tickets d'or. Tout le monde achètera des bâtons de chocolat Wonka dans l'espoir d'en trouver un. Il en vendra plus que jamais. Comme ce serait passionnant de trouver un ticket d'or. Et tous ces chocolats, tous ces bonbons qu'on pourrait manger pour le reste de nos jours, gratuitement ! Dit grand-papa George. Imaginez un peu ! Il devra les livrer à domicile, en camion, dit grand-maman Georgina. Rien que d'y penser, j'ai mal au cœur, dit grand-maman Joséphine. Sottise ! Cria grand-papa Joe. Qu'est-ce que tu dirais, Charlie, si on trouvait un ticket d'or dans un bâton de chocolat ? Un ticket d'or tout brillant ! Ce serait épatant, grand-papa. Mais c'est sans espoir, dit tristement Charlie. On ne m'offre qu'un bâton par an. Sait-on jamais, mon chéri ? Dit grand-maman Georgina. La semaine prochaine, c'est ton anniversaire. Tu as autant de chance que les autres. J'ai bien peur que ce ne soit pas vrai, dit grand-papa George. Les gosses qui trouveront les tickets d'or seront ceux qui peuvent s'offrir des bâtons de chocolat tous les jours. Notre Charlie n'en a qu'un par an. C'est sans espoir.